La lecture passe par la langue, et c'est parfois pénible quand la langue s'étire et qu'elle claque, et qu'il faut retirer la langue d'un coup sec, comme si on démoulait la langue de la bouche pour revenir à la lecture par-dessus la langue, juste au moment où elle est vachement rentrée, alors qu'il faudrait que la langue se retourne dans le fond, juste au moment où les mots qui frottent la langue débouchent le trou, quand la lecture devient glissante avec la langue rentrée dans la bouche, pour que la langue s'allonge sans frotter les dents. Qui pourrait rayer les mots qui frottent trop près de l'embouchure de la bouche. Et c'est la langue qui dérape dans la bouche comme une saucisse démoulée avec les mots qui se renfoncent dans le fond du moule de la bouche, alors qu'il devrait gicler vers l'extérieur du moule, puisque tout est débouché dans le fond pour que la langue puisse se retourner. Mais comme les mots s'agglutinent entre eux sur les côtés, ça fait des nœuds dans la bouche qui s'expansent. Et quand la bouche s'est expansée autour de la langue démoulée, ça fait grossir le trou du milieu du moule où il y a justement le passage de la langue normale dans la bouche ouverte. Mais si le passage de la langue est dilaté dans le trou du moule de la bouche, la langue a tendance à tourner dans le trou vers le fond. Et quand la langue tourne mal au fond de la bouche ouverte, à cause du trou du moule agrandi, elle peut frotter trop près des côtés rebouchés pour les mots du fond qui se sont agglutinés dans les coins de la bouche du moule pour que la langue glisse normalement dans le milieu. Mais quand la langue qui devrait rester au milieu de la bouche dérape sur les côtés du trou du moule, ça risque de faire pression en dessous à cause des amas de mots coincés sur les bords du moule. Et quand les mots sont coincés de chaque côté, en même temps, avec la langue qui glisse du fond, alors qu'elle devrait être au milieu, ça fait comme un appel d'air dans le trou. Et ça fait comme un appel d'air dans le trou de la bouche. Et ça risque de chambouler la lecture à cause du trou du moule qui agrandit le passage de la langue. Et quand la langue se retourne comme une saucisse, ça peut partir d'un coup sec. Ça se débouche trop vite, la bouche devient toute molle, et les nouveaux mots qui arrivent à fond dans le fond du moule de la bouche agrandissent encore plus le trou du moule, qui est déjà vachement plus grand qu'au début. Et ça dilate le trou du moule qui a même pas eu le temps de comprimer pour orienter la langue dans le bon sens, alors que le trou est trop grand pour démouler la langue, et que la langue risque de glisser sur un des côtés du moule. Et que ça peut agrandir de nouveau le trou de la bouche. Et comme le trou est déjà grand, alors qu'il devrait être juste au format de la langue, pour que la langue soit exactement dans le milieu du moule, avec un peu de marge, pour que le bout de la langue puisse sortir du trou du moule sans problème, la langue se retrouve dans le vide. Et ça peut être vachement grave. Car une langue dans le vide n'a plus vraiment d'appui, et alors les mots qui devraient glisser dans le sens de la sortie vers le trou de la bouche pour démouler la langue pourraient se coincer dans le coin du trou, et ça ferait gonfler tout le bord de la bouche qui bloquerait la langue dans le moule au moment où justement la langue devrait pouvoir sortir du moule de la bouche sans problème. Et comme la langue devrait pouvoir sortir pour expulser les mots bloqués à l'intérieur du trou du moule pour mieux démouler la langue qui doit glisser comme une saucisse hors du moule, la langue, excusez-moi, Mais l'homme, impose toujours la pureté du moule pour le sacrifice de la langue. Et l'homme préfère une langue pure moulée à la louche, plutôt qu'une langue libre démoulée. Et l'homme moulé impose la langue purifiée pour dominer l'homme qui cherche à démouler sa langue. Et le moule de l'homme est imposé par l'homme moulé pour le respect de la pureté de la langue dans le conditionnement du moule. Et l'homme impose la morale de la langue purifiée. Et l'homme peut mouler l'homme avec sa langue conditionnée dans la purification de la morale. Pour mouler toutes les bouches dans le gabarit de la morale moulée par l'homme. Et l'homme qui respecte le moule de la pureté de la langue veut conditionner tous les hommes pour la morale du sacrifice de la langue soumise au moule obligatoire. Et l'homme avale sa langue ouverte dans le moule de la langue fermée par respect du moulage purifié dans la peur. De la peur. Car l'homme est une série moulée dans l'uniformisation de la série planifiée du moule de la langue fermée. Alors que l'homme qui veut se démouler possède des milliers de langues ouvertes en lui-même. Mais la plupart des hommes qui veulent démouler leur langue n'osent pas la démouler. Par manque de volonté. Car il est plus facile de fermer une langue ouverte que d'ouvrir une langue fermée. Il est plus facile de fermer une langue ouverte que d'ouvrir une langue fermée. Et l'homme qui a fermé sa langue est un homme peureux qui a eu peur de l'ouvrir. Et quand l'homme est enfermé dans le moulage de la bouche, conditionné par la morale imposée, l'homme devient un homme fermé dans sa langue pure. Et l'homme devient esclave du moule de sa langue fermée, car l'homme est pensé en série épidémique, comme une saucisse contaminée, selon une planification élaborée. Et l'homme est pensé par affection du moule, d'une uniformisation de la série contagieuse dans la masse, pour donner sa vie à Dieu ou à la patrie. Dans le moule planifié. L'homme est pensé en masse épidémique, et l'homme donne œil pour œil et dent pour dent, avec le sacrifice du moule mou, poilu, pour la patrie de Dieu. Et nous sommes des hommes mous, comme des saucisses immondes, et nous sommes des étrons mous, et nous sommes tous des étrons. Et l'homme est un étron soumis, qui redonne le moule de la saucisse martyr avec la langue molle pour la loi du moule de l'homme mou, contaminé par les virus du génocide. Et nous sommes des étrons puants dans la prière du sacrifice de la nation avec le pétrole de Dieu. Et l'homme est pensé par infection du moule, d'une fermentation de la série contagieuse dans la masse pour donner sa vie à Dieu ou à la patrie dans le moule planifié. Et nous sommes des étrons mous. Et nous sommes tous des étrons mous. Et nous sommes tous des étrons mous. Et l'homme est un étron soumis qui redonne le moule de la saucisse martyre avec la langue molle pour la loi du moule de l'homme contaminé par les virus du génocide. Et nous sommes des étrons purs dans la prière du sacrifice de la nation avec le pétrole de Dieu. Et l'homme peut se donner à mort dans la purification de la pureté de Dieu. Et nous sommes des hommes esclaves comme des saucisses molles. Et nous sommes des saucisses moulées pour la patrie, dans le drapeau de la charcuterie du devoir de Dieu pour la nation. Et Dieu est le super moule de la purification des saucisses à mémoire de forme sucée dans la masse de l'étron du tuyau de Dieu pour l'amour de sacrifice de la race moulée dans la pureté. Et nous sommes tous des étrons. Et quand tu deviens l'étron de Dieu, tu es collé à tout le reste saucisse. Et ta prière obligatoire est un moulage totalitaire qui colle ta bouche dans ton corps. Et tout ton corps est une bouche fermée, qui. Et tout ton corps est une bouche fermée qui t'a modifié. Et tu peux te coller complètement. Et plus tu te colles, plus ça recolle les saucisses qui se modifient dans ta bouche, qui se remplit à nouveau de saucisses, avec la langue hyper modifiée par les saucisses que tu as aspirées avec ton corps autocollant, qui modifie toute la lecture, qui devient caoutchouteuse, comme ta super langue collée à la langue des saucisses, pour le respect du drapeau de la nation, bourré dans ton anus, et on copie la copie du moule contaminé de la saucisse de la saucisse contagieuse dans la masse molle contaminée par les doublures infectées pour les repères de l'origine, et on copie la pureté pour purifier la masse contaminée par l'origine du territoire sacré. Et la pureté est un virus de Dieu copié pour le martyr du territoire sacré. Et la langue de l'origine de la morale contagieuse est comme une saucisse molle dans le trou de masse affecté par Dieu pour la pureté de la pensée unique qui colle le drapeau dans les poils. Et on voudrait donner la pureté pour la patrie et pour Dieu dans la masse avec les moules de purification. Et on voudrait de donner le moule de la pureté de masse de l'épidémie du formatage des saucisses contagieuses en remoulant les saucisses pures pour réserver les repères de la jeunesse dans l'origine du terroir, et on donne les virus de la population molle de la population molle de masse dans la copie épidémique moulée à la masse contaminée du drapeau, et chaque saucisse contagieuse est planifiée pour la saillie de Dieu qui pour la patrie avec la docilité de l'homme moulé comme une saucisse, et le moule virus est donné avec la langue infectieuse dans la série du moule de masse pour sacraliser les repères dans le drapeau des origines sacrées, et la saucisse contaminée glisse dans le moule explosif de la patrie contaminée pour la purification avec la pensée molle de la langue pure du moule mou de Dieu qui avec la lama déjà contaminée dans la pensée unique. Alors on a envie de fabriquer des mots élastiques avec des mots qu'on pourrait allonger comme si les mots étaient aussi caoutchouc que la langue ouverte que l'homme peut dominer dans la prière du martyr. Et on a envie que les mots élastiques deviennent vachement longs en tirant dessus jusqu'à ce qu'ils pètent. Et plus on tire sur les mots, plus la langue s'allonge. Et avec la langue allongée, comme une saucisse, la lecture devient vachement longue. Et la lecture devient vachement plus longue. Alors que normalement, elle devrait être plus courte. Et avec le trou de la bouche écarté, on peut rendre la langue plus tendue jusqu'à ce que les mots eux-mêmes rallongés deviennent encore plus élastiques que la bouche. Et avec le trou en caoutchouc, on peut faire une longue lecture dans le sens de la langue qu'on a tiré jusqu'à la ligne du bord de la bouche, écarté comme un anus domestiqué, et les mots qui glissent d'une bouche ouverte par le tuyau du trou se sont vachement plus allongés que des mots qui sortent directement du trou de la bouche, sans passer par la langue tendue, du tuyau en caoutchouc qui écarte le contour de la bouche jusqu'aux abords extérieurs pour tirer les mots qu'on pourrait rallonger comme la langue en tirant sur les côtés du trou pour les faire jaillir du creux de la bouche écartée et avec la langue élastique qui se rétrécit et qui se rallonge. On sait qu'on pourra rallonger la lecture de manière à ce que la bouche soit elle-même vachement caoutchouc pour tirer sur la langue de toutes ses forces sans agrandir la bouche qui sera assez élastique pour s'étendre jusqu'à ce que le trou de la langue de devienne comme un anus assez large pour que les mots ce soir éjecté, sans que ça frappe, sur les bords du buccre poilu, mais l'amour de Dieu, et bombé de l'anus mou des masses poilues, de la bombe saucisse, enfournée dans la plâtrie Valkyrie, ravette de saucisse sacrifiée, pour la purification, qui bloque la langue de la bouche, comme une saucisse docile, et la pensée unique de masse, bouche le trou de la bouche, pour que de la masse explosive, pour dominer la langue de la nation virus. Et non nous contaminons par les étrons nationalistes les grands propagieux dans l'anus bouchés par la saucisse de l'origine sacrée et oui la saucisse de Dieu et comme un ocron mou d'homme contagieux qui joue dans la purification avec la bombe de masse contaminée dans le trou de Dieu nous j'ai profondément troué par les virus martyrs de la pensée unique dans le trou blanc de la bouche poilue et collée. Et sont exactement dans ce vide. Et c'est exactement dans ce vide. Et c'est exactement dans ce vide que la lecture serait formidable. Et c'est exactement dans ce vide que la lecture serait formidable. Et c'est exactement dans ce vide que la lecture serait formidable. Même si ça colle un peu à cause du trou élastique qui se recolle aussitôt sur les bords au moment où les mots se modifient avec les poils. Mais dès qu'un mot est arraché du dedans, il faudrait sûrement en arracher vachement pour les expulser en rafale comme des chapelets de saucisses, de manière à ce que plusieurs mots puissent être éjectés en même temps sans que la bouche se referme. Et si la bouche reste un peu ouverte avec le trou béant jusqu'au fond, on aura le temps de faire gicler plein de saucisses avant de refermer la bouche pour respirer un peu de manière à pouvoir rattraper la langue aussitôt que les saucisses sont projetées hors du trou sans que ça se frotte sur les côtés du creux. Et ça, on pourrait le répéter plusieurs fois de manière à s'enrouler dans la langue avec les saucisses pour allonger la lecture qui s'enroulerait sur elle-même dans les saucisses tout en se déroulant dans le sens de la langue quand tu es en avant hors du trou de la bouche écartée en vomissant exactement son origine jusqu'à ce que le creux se remplisse de saucisses comme un anus pour ouvrir la langue. Et on pourrait le répéter plusieurs fois avec l'anus poilu dans la bouche mais la langue est collée à la bouche fermée dans le moule de la pensée unique pleine de poils, de drapeaux et le moule mou est inventé pour la purification de la saucisse molle, de la masse poilue de l'homme contaminé par Dieu, pour la langue de la prière de l'anus offert à Dieu pour sacraliser le territoire de l'origine. Et on veut se donner la mort de le jus de la chair à saucisse du moule. Et on veut se donner la mort de le jus de la chair du moule mou en priant avec la langue imposée. Et on redonne la forme de l'écran de Dieu, de la masse molle du trou de l'anus formé par la bouche conditionnée pour l'amour de la prière du moule. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière est faussée. Et la langue de la prière est faussée. Et la langue de la prière est faussée. Dans le conditionnement du moule de la bouche fermée. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la langue de la prière. Et la lang bouche fermée. De l'eau troupoyée dans le crash, un peu récupération obligatoire. De la bouche fermée. Et on pourrait le répéter. On pourrait le répéter. Et on pourrait le répéter. Et on pourrait le répéter. On pourrait le répéter. Et on pourrait le répéter. Et on pourrait le répéter plusieurs fois. Et on pourrait le répéter plusieurs fois. Et on pourrait le répéter encore plusieurs fois pour tirer sur les mots élastiques en allongeant la langue caoutchouc jusqu'à ce que la lecture soit complètement étirée à l'extrême. Et alors il faudra vachement maintenir la langue tendue, car si on lâche la langue d'un seul coup, toute la bouche risque de s'éclater avec la langue complètement crabouillée autour de la bouche qui sera bouchée jusqu'à l'extérieur sans qu'on puisse écarter les bords pour récupérer les saucisses dans le trou bouché par les poils, puisque la langue sera totalement écrasée autour de la bouche en dehors du trou où la langue devrait normalement passer. Et si la langue est crabouillée par les saucisses autour de la bouche, la lecture n'en finira plus. Alors il faudra bien pourtant que ça cesse, parce que ça ne peut pas durer des années. Et si la lecture ne s'arrête plus, c'est toute la bouche qui finit par se coller dans la bouche comme un anus bouché avec les saucisses, et la bouche remplie de saucisses, c'est pratiquement impossible. Ils sont aussi à bout de la langue, alors que c'est la langue qui maintient normalement le trou de la bouche comme un trou normal, de manière à ce que la lecture soit elle-même normale dans la bouche, sauf quand ça colle avec le poil. Et si ça colle vraiment, c'est que la langue s'est modifiée à force de tirer hors du trou. Et quand la langue s'est modifiée, c'est plus possible qu'elle revienne normale. Et avec la langue modifiée, c'est toute la bouche engagée dans le trou qui se modifie comme la colle elle-même dans la nuque, si bien que le dedans de la bouche est aussi modifié que le dehors, comme si ma bouche dedans était ressortie avec la langue collée à l'extérieur, comme une super langue. Alors, une super bouche en trou à l'intérieur, et quand l'intérieur se retrouve à l'extérieur, avec la colle, l'intérieur est complètement vidé. Et l'intérieur est complètement vidé au dehors. Et le dehors n'est plus qu'une grosse saucisse collante qui colle comme un nitron au bord de l'anus en modifiant tout ce qui est déjà modifié. Mais tu te retrouves toi-même modifié dans la colle qui te recolle les poils encore plus autour de la langue du dehors qui modifie ton corps entier comme une saucisse qui creuse l'anus pour aspirer la lecture en dedans, alors que justement elle est collée avec les poils dans la bouche qui s'est répandue comme une grosse langue caoutchouc et tout ton corps est comme une saucisse modifiée en forme de langue. Et plus tu parles avec ton corps, plus la langue se colle sur la saucisse avec la lecture pollue qui ne fait plus de liquider au dehors de la bouche collante, comme si tu parlais avec ton anus. Et ta langue est encore plus modifiée qu'avant. Et quand t'es complètement modifié par l'anus avec la bouche, et que tu te remodifies, avec la colle de la langue pollue qui colle complètement à ta modification, tu deviens vraiment une grosse saucisse dans la langue modifiée dans la bouche bouchée comme un anus bourré par le conditionnement de la morale de la langue pure contaminée par le bourrage de la pensée unique. Mais les microbes de purification d'amour de Dieu se sont moulés avec la saucisse trop pure dans la bouche à penser par l'enfermer. Si tu refais des bouches ouvertes pour que la langue passe par l'anus pollue, et on veut donner l'amour du Dieu virus à la saucisse de Dieu grandacheux qui remoule le moulage explosif de la portée contaminée, de la charcuterie de masse pour les yeux des hommes saucisses recopiées dans la main d'un poil contaminé, et d'un vol d'accompli contagieuse de pureté qui est recopiée dans la mêlée de l'étroit contaminée avec la saucisse moulée de la petite purifiante comme une bombe de dévastation contagieuse au fond de l'anus, une bombe pure de la télé mal contaminée par Dieu. pensée unique, pour imposer la pensée unique, pour imposer la pensée unique, pour que je sais et que je le vois ici, et pour imposer la pensée unique. Et la saucisse démoulée s'expanse dans le moule mou de la bombe, pure, contaminée avec la morale purifiante, explosive, où les troncs télé de Dieu dans la pub. Et l'homme moulé contamine les troncs d'amour de la saucisse purifiée dans le condiment de la com avec la prière. Et l'homme purifié est dans la com. Et l'homme pur est moulé en saucisse de purification pour la pub du drapeau. Et la série du moule moule est donnée avec les troncs de saucisse contaminés dans l'anus moule du Dieu contagieux qui impose la vérité de la langue de la bouche fermée. Et on donne la saucisse contagieuse qui est recopiée avec les troncs moule de Dieu contagieux. Et l'épidémie de saucisse contamine l'homme par l'anus de la bouche pour la pub du moule contaminé par Dieu qui donne la contamination et la purification. Et la langue contaminée recollée dans la bouche contagieuse de la bande pure de Dieu, avec les troncs virus de la masse nation moulant la saucisse en pureté explosive dans la masse molle de la patrie contaminée par Dieu, pour la pureté de la race, la bouche fermée pour la pub du drapeau sacré de l'homme. Et l'homme est une saucisse de la patrie à genoux. Et l'homme est une saucisse de la patrie à genoux. Et l'homme est une saucisse de la patrie à genoux devant le drapeau sacré. Et l'homme est une saucisse de la patrie à genoux devant le drapeau sacré. Et l'homme se couche pour lécher le drapeau. Et l'homme se couche pour lécher le drapeau avec la langue de la prière poilue. Et l'homme accroupi et comme un anus bourré d'étron purifié. Et on donne les saucisses de purification qui contaminent les lois du moule pur avec les troncs recollés de Dieu pour l'amour des saucisses nationales contagieuses. Et on moule l'amour de Dieu par l'anus de la bouche, avec la pureté des bactéries dans la charcuterie pure de la morale de la patrie, pour exposer la chair à saucisses. Et on moule la purification pour les saucisses d'hommes contaminés avec la masse des troncs de Dieu contaminés par la domination de la pureté nationale. Et le moule saucisse sont plantés avec la tête coupée dans la marche bornée des éléments d'âme fanatiques, contagieux pour la prière avec la queue. Et les saucisses fourrées dans la bouche avec une crotte de la morale sont aplaties dans la télé mort de Dieu pour le drapeau planté dans l'anus. Et on redonne la saucisse pure moulée qui est aplatie dans la télé antéchrist avec la masse contagieuse des moules planantes dans le tuyau contaminé par les microbes purs poilus. Et la saucisse de purification est contagieuse dans la masse des écrans martyrs moulés par l'amour de Dieu avec les copies contaminées des saucisses contagieuses dans les drapeaux. Et on mettra et purifié dans le moule d'hommes contaminé dans la patrie pure avec la saucisse de masse contaminée et mangeant les étrons mots de Dieu à coupe étoile. La masse de saucisse molle de la patrie barbue soufflant dans la pureté de l'écran de pur avec trois saucisses explosées dans les drapeaux contaminés par la prière. Et on donne les trois saucisses contaminant le moule contagieux et l'on aspire et rabattit dans l'infection pour le don infectieux des bactéries nationales brutes et jus du moule de l'écran accumulé comme les troncs contagieux enfoncés dans l'anus mou de l'homme au tronc contaminé par les dettes explosives de la purification totale sous les drapeaux, jus de la prière de la dette de Dieu qui donne la mort pour la vie de quelques slaves et quelques slaves qui donne avec la mort votre poivre et on redonne le jumeau de la vie quelques slaves de la saucisse purifiée au moulin à la contaminé dans la copie des bombes de plein qui sortent de l'âme pure qui donne au vieux virus le jus de la télévision de la couverture préférée dans le bar de la prière nationale. Et l'homme antéchrist purifie le peuple avec la bombe et le tronc contaminé pour le peuple qui le peuple au-delà de la question de la peuple ayant pris du moule contagieux et leur pile de la bouche fermée pour fonctionner avec espérance dans l'ouest et les neufs élevés pour la langue moulée en purifié pour la machine avec elle poivrée pour la prière des jeunes aussi de la foi à cause de la veille dans leur explosion sur le plan et le moule de la bouche fermée pour fonctionner avec les neufs élevés et les neufs ouest élevés de la purification contaminée par la télémange de la bouche fermée comme un autre envoyé qui s'envole et les étrons de Dieu sont cavocatés avec de la nation pour les de la mécanelle, la super saucisse de quel bouton boudin et la vie que c'est avec de l'amour de feu et la même que c'est la voie avec les nénons de la moulin et de la moulin bon bon moi des baptêmes puis de l'âme et la même tout le bruit que c'est vrai et la même prière pour le donation des déserts l'arbre qui se lève du sacrifice de la prière et la même le nom moulin pour la poitrine de saucisse et la même saucisse mou moulin pour de la bouche avec un et la même que c'est la vie de la collection qui se lève l'oreille et la même l'amour et la langue de l'amour de la chambre et la même que c'est rigolos le moyen de son avage et la même que c'est l'idée de son mal et la compagnie pour la même que c'est le total sur la même chose qui me fétiche et la même ouais c'est le même de son avage et la même quand c'est les mains ouais c'est la gueule et la même c'est l'idée de l'amour et la même c'est le fond de la bouche et la même que c'est la vague de la peau et la même que c'est le moyen et la même le plus loin c'est la vague de la peau et la même tous les calques que c'est le moyen ouais et la même c'est l'idée c'est l'idée c'est le vrai de l'oeil et la même c'est l'idée du virus de la bouche pour picher ouais. Et on redonne la saucisse infectée. Bourrons le trou contagieux dans la masse épidémique de l'homme et tronc, transformant le neurologue mou infecté en carottage d'électrons mous pour la spéculation. Et tu peux modifier chaque mot saucisse avec la colle de la charcuterie. Et plus tu colles ta langue, plus tu te décolles de ta bouche collée avec la bouche bourrée de saucisses. Et toutes les saucisses adhèrent à ta lecture qui devient une super saucisse collante sans trou. Et quand la lecture devient elle-même une sorte de chair à saucisse, les mots sont vraiment comme des étrons. Et la lecture dégouline comme une merde. Qui se colle à ta langue collée aux saucisses modifiées. Et à force de chier ta langue dans la bouche fermée, tu peux arriver à démouler ta langue collée dans les étrons. Et quand ta bouche a bien dégueulé ta langue démoulée, tu peux prendre enfin la parole. Et la parole qui jaillit de ta bouche est comme une nouvelle langue merdeuse hors du moule. Oui, un peu secoué, Junto. C'est normal, Dandy. C'était fort. Ouais, c'est pour ça qu'on fait des émissions sur des radios libres, hein, Dandy? Voulez-vous que je relance un petit feu et que je vous reserve un whisky? Oui, Gento, merci. Vous êtes tous. Excusez-moi, j'avais juste envie de prendre l'ourlet de votre lèvre en bouche. After the big storm, I thought I was dead, but I was in Rome, dreaming of my XXX lady. XX lady's coming back to me, giving me the key for a new therapy, made of love, bars and kisses and ecstasy. Mixing days and nights, mixing lotus and fight, mixing clouds and moon, mixing smiles and storms. I thought that dreaming obscurus of my soul, inventing new games and losing control. But hottest dreaming is hardest living. 7 days dreaming a dangerous game. Gone among those, I've lost all my names. These beats are still fighting all around me. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I was in Rome. Dreaming of my XXX lady. XX lady's come back to me, giving me the key for new therapy. Made of love, parting kisses in ecstasy. Mixing days and nights, mixing lies and fights. Well, I'm mixing clouds and rain. I'm mixing smiles in the storms. XX lady on my lady's flame. Now new lady, they can know my name. 7 days sleeping, wanna try again. Oh, XX lady, where my lady's flame. No new lady, they can't know my name. 7 days sleeping, I will try again. Gang et à leur 7 Days, ainsi qu'à Rose Dune et Sebazen et leur Circle to Circle, groupe improbable s'il en est, dont l'album True est paru sur la firme discographique Monslit. Offrons-nous un interlude. Un peu plus léger, hein? Oui, bientôt. Scintillant, pourrait-on dire, avec un extrait de la BO de The Nightmare Before Christmas, avec ce Oogie Boogie Song, suivi des Fortune Tellers et leur Nairobi Moonlight. Aïe! La générosité de votre lèvre inférieure ne me laisse pas indifférente. Just split a seam now if I don't die laughing first. Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, 'cause this may be the last time you hear the boogie song. And I've nothing much to do, I might just cook a special batch of snake and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly Santa Claus to add a little spice. Whoa. Whoa. Whoa. Oh. Whoa. Yeah, I'm the Oogie Boogie Man. Release me now, or you must face the dire consequences. The children are expecting me, so please come to your senses. Ah, you're joking! You're joking! I can't believe my ears! Would someone shut this fella up? I'm drowning in my tears. It's funny, I'm laughing. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff. Well, what are you going to do? I'm going to do the best I can. Whoa! The sound of rolling dice to me is music in the air, 'cause I'm a gambling boogeyman. Although I don't play fair, it's much more fun, I must confess, when lives on the line. Not mine, of course, but yours, oh boy. Now let it be just fine. Release me fast, or you will have to answer for this haters act. Oh, brother, you're something. You put me in a spin. You aren't comprehending the position that you're in. It's hopeless, you're finished. You haven't got a prayer, 'cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't going nowhere. Thank you. tigre et son archet, il y a de les bèvres griffettes. Dans des plumes, dans les plumes, t'as de l'eau, des poulets, t'as de l'eau, t'as de l'eau, des poulets de l'eau. Sa femme à ses côtés, qui mène par le bout du nez, joue-moi dans un rigodon, on vient je quand on vient lent. Montre-moi tout ce que tu sais faire, y'a pas d'homme à courir, soir, de péché de commencer, je commence à tortiller. Dans tes plumes, dans les plumes, t'es le loulou de tout l'arrêt, t'as fait de l'eau, t'as fait de l'eau, de tous les deux langues. C'est un bon garçon, mais il se dit le champion. Quand il commence à jouer, il ne peut plus s'arrêter. Il y a les mains têtes poussées, des pieds d'améchillés. Il vient la langue épaisse, et puis les deux yeux s'en est. Tant est plus dans les culs, t'es le loulou de tout l'enlet. Tant est de l'eau, t'es le loulou de tous les deux l'homme. Elle a les yeux tout rouges, puis la tête toute échevrée, le cou comme une anguille, puis le menton renfoncé. Elle est sourde d'une oreille, et puis l'autre est attaquée, les jambes grosses comme une canne, et puis six orteils chaque pied. Tant est plus dans les plumes, t'es le loulou de tout l'enlet, tant est de l'eau, t'es le loulou de tous les deux l'homme. Ce morceau de La Bolduc, le joueur de violon, est une belle démonstration de la technique vocale la turlute, forme de chant traditionnel nous venant du Québec. Tiens, ça m'évoque quelque chose. Vous permettez d'en dire ? Mais que faites-vous, Junto ? C'est interdit. Ah bon ? C'est interdit ? Surtout après chaque rapport avec ma femme, j'ai une irritation de la verge et des démangeaisons. Ça vous inquiète beaucoup ? Oui, vraiment, j'en ai assez. J'ai consulté de nombreux médecins, pris des quantités d'antibiotiques. Dernièrement encore, ils m'ont fait 20 millions de pénicillines sans résultat. Ma femme aussi a des brûlures et beaucoup de pertes. C'est intenable, on ne sait plus quoi faire. L'examen clinique va préciser l'existence chez ce malade d'une balanite érythémateuse, d'un léger suintement urétral. Les urines sont claires, avec quelques filaments dans le premier verre. Tout ce que Madame la Baronne me demande, c'est d'être très gentille avec tous ses amis. Les sympas, Madame la Baronne. Roger. Tu veux être gentil avec moi? Avec le bah oui, je vais être gentil avec toi. Je peux t'en dire. C'est extrait des BO du film de John Birut. Ok, Francesco, ok, Vanessa. Allez-y. Et saupoudré de sucre. Je vous supplie, arrête, très mes cœurs. Une belle recette. Pourquoi il n'y a pas de farce dans la dinde? Hugo, pourquoi tu n'as pas mis de farce? C'est bête, c'est triste. Et la farce? La vie, c'est une farce. Il faut manger. Oh, le beau gâteau. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Tu vas pas mourir. Vous êtes grotesque et dégoûtant. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim? C'est pas possible, c'est pas la faim. Il faut manger. Il faut manger. Avec mon nom. Tortellini à la crème et champignons. Une fantaisie ça, dans cette histoire. Que j'ai choisi la forme la plus grossière de mourir. Va te laver ta patte. T'as compris? Oui, oui. Oui. Parle comme stronzi. Peut-être faudrait que je te goûte. Ça m'aiderait. T'es bon comme la soupe miso. T'es bon comme du oshinko. T'es bon comme des sushis. T'es bon comme la soupe miso. T'es bon comme du sashimi. T'es bon comme du oshinko. T'es bon comme des nouilles soba. Le soba, c'est froid. Une tradition. T'es joli comme les sashimi, t'es joli comme le wasabi, et t'es beau comme le oshinko, comme le oshinko. Ça va pas, ça va pas. T'es bon comme la soupe miso. T'es bon comme du sashimi. T'es bon comme la soupe miso. T'es bon comme les sashimi. T'es bon comme les sushis. T'es beau comme les oshinko. Kono ame no furu no ni dochi e dairo kana? Sous la pluie tombante. Où donc peut-il bien aller, ce pauvre escargot? Pilule, tiens. Radio-dio. Ce soir, c'est John Too qui nous soumet un tirage spécial 2022. Oh là là, le visage de Junto s'assombrit. Ça va, Junto? Elle ne répond pas. Je n'ai plus accès. Je suis spectateur pour vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je crois que le tirage de ce soir sortira des entrailles archéo-mytho-cosmique de Junto. Guidée par une nécessité céleste, elle quitte ses chaussures. Jolis souliers, talons bobines, sa robe, ses collants, sa culotte, et la voilà toute nue dans le studio. Profonde, en dialogue avec des voix archaïques. Elle est dans un état de réception émouvante. Son visage exprime tour à tour l'épreuve et le bonheur de ce qui entre en elle. C'est une scène rare, touchante. On aura envie d'en être. Elle presse le jeu entre ses mains, le bat doucement, le déploie devant elle. La main sûre et précise prélève une carte, se suspend au-dessus de l'éventail, plonge sur une deuxième carte, reprend de l'altitude, semble hésiter, mais se décide pour une troisième carte. Gento sourit. Les yeux qui ne regardent pas ici, mais une joie fraîche semble l'habiter. L'ourlet si charmant de sa lèvre se bande. Elle semble murmurer des choses que je ne peux vous dire. Je n'y entends rien. Elle est radieuse. Laissons le temps à Junto de revenir à moi. Pardon, à nous. Un suspense total sur le tirage de ce soir. Le temps d'une chanson avec History Song de The Bad and the Queen, formation réunissant Damon Albarn, le bassiste des Clash, Paul Simonon, dont c'était l'anniversaire hier, de l'ancien guitariste de The Verve et de Gorillaz, Simon Tong, et du batteur Fela Kuti, Tony Allen. Nous avons également écouté Mamie Chan Band et son pilulu juste avant. Ainsi que Gigi Paniz de mon ami Alexandre Mazoyon. Shape across. Voilà parmi nous. Ne prenez pas froid. Rhabillez-vous vite et dites-nous enfin quelles sont les cartes de ce soir. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Oh, alors, ma foi, ce soir, nous avons comme tirage dans l'ordre l'impératrice, la lune, oh, la petite écrevisse, suivie de l'amoureux. Ça déchire, hein, Dandy? Pas mal, pas mal. Alors, on pourrait dire l'impératrice, quand même. Ce soir, moi, je vois... cette grande femme, toute dans sa puissance sexuelle, elle est presque adolescente, hein. En effet, elle déborde d'énergie. Oh oui, ah oui, et pas n'importe laquelle, hein. Telle Aphrodite, elle nous propose l'union des deux bouches. Quelles sont ces deux bouches? Bah, tant pis, faites pas le prude. La bouche d'en bas, le sexe, oh, c'est ridicule. Et celle d'en haut, le verbe. Ah oui, le verbe. La lune semble nous renvoyer au monde de la nuit et des rêves. Tout ce qui est caché. Caché. Inconscient, connexion au plan céleste. Vous êtes presque perché, Dandy, c'est charmant. Je crois que c'est bon. L'amoureux, oh mon Dieu, vous êtes gonflé. L'amoureux, c'est une carte complexe, hein. Ça, on voit bien ce qu'on a envie de voir. Et elle pose la question quand même, moi je trouve du choix. Oui. Elle peut parler de liberté dans le lien, hein, Dandy? Oui, elle peut aussi peut-être parler d'engagement. Aussi, elle peut parler d'amour de soi et du coup des autres par voie de conséquence. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, comment peut-on aimer les autres? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire amen? Amen. Merci. Alors donc, pour être, qu'est-ce qu'on pourrait dire, 2022 que, oui, 2022, donc. Donc, eh bien, 2022, j'ose le dire, ce soir à l'antenne de Radio Audio 89.5, radioaudio.org, 2022 passera par l'amour, oui, l'amour, le sexe. Et ainsi, l'obscurité inquiétante transmutera en lumière solaire chatoyante. N'est-ce donc pas le soleil, le personnage principal de l'amoureux, n'est-ce pas? Mystère. Laissons à nos chers auditeurs et auditrice la libre interprétation de ces cartes. Mais soumettons donc un morceau que j'associe avec cette lecture. Mais quel est donc ce morceau, Dandy? Oh, je vois une très belle musique. Je vois une ruelle sombre et les reflets des lumières sur le sol humide. Je vois une femme dans une robe fourreau. Je vois un homme en costume. Oh, je vois l'Asie. J'ai trouvé Dandy. c'est ça. Bravo, Gento. 如果有多张船飞，你会不会跟我一起走？ as she is to me festive. Oh, Je vous propose Pipi le Tiriste. I'm a victim of this song. Inutile de la présenter puisque tout le monde reconnaîtra son origine. Oui. Mettez-la moi donc bientôt. Je vous la mets, Dandy. Comme ça? Don't Jesus and the Windshield, c'est ça, Dandy? Tout à fait, Gentle. Interprété par Tiger Ladies and the Colonel's Quartet. Dandy, nous arrivons au terme de notre émission. Se laisser pour mieux se retrouver. Ah oui, se retrouver. Eh bien, retrouvons-nous le 20 janvier. Le 20 janvier 2022 à 22h. 2022 à 22h. Pour de nouvelles aventures auditives et sensibles. Oh, mais c'est toujours avant mon anniversaire. Ah oui ? Oh, oh oui, on fera la fête. À bientôt, Junto. À bientôt, Dandy. Mesdames. Messieurs. À très vite. Dans Love. Love. Love. Love. Love. Love. I hear the rumbling of the jungle telegraph. I smell some.